C'est le premier reportage des Jeux du Québec qui se déroule actuellement à Montréal. Et on va parler avec Alexandre Allemand, celui qui sera avec nous tout au long de la semaine. Salut Alexandre. Salut, ça va bien? Oui, ça va bien. Alexandre, avant de parler des compétitions, c'était la cérémonie d'ouverture hier. Comment ça a été? Ça va être une belle cérémonie, là. Elle a été diffusée sur les médias sociaux, sur Internet. OK. Beaucoup de l'art de la scène, du cirque, du trampoline, spectacle de musique, entre autres Alex Nevsky, et puis tous les athlètes là, de plusieurs régions ont envahi la scène avec les drapeaux. Le chanteur qui était avec eux, qui les a invités à monter sur la scène, c'était magique comme événement. OK. Et bon, c'était. Est-ce qu'il y avait quand même pas mal de monde qui était là aussi? Parce que c'était dans la salle Ah, tout olympique, à fait, là, ça. oui, le comité organisateur là, avait quand même près là, de 1000 billets, de 10 000 billets disponibles. Et puis, OK. oui, les Ah, gens c'est bon. ont répondu en grand nombre. Et le parterre était rempli des athlètes là, et des entraîneurs là, de l'ensemble des 19 régions. OK. Hier, c'était William Maltépilote qui était le porte-drapeau. Oui, tout à fait, vous avez raison. William a eu l'honneur d'ouvrir la marche. Et puis, William, qui est un athlète là, qui travaille fort dans ces deux disciplines, parce qu'il est présent en deux disciplines sportives, William a eu ce bel honneur et l'ensemble de la délégation l'a suivi, l'a accompagné dans cet événement-là pour faire notre entrée là, au niveau là, du stade olympique. OK. Si on y allait maintenant avec ce qui s'est passé, c'était la première journée de compétition. D'abord, est-ce que je te dirais, les disciplines sont pas mal bien. Les athlètes ont quand même à faire beaucoup, beaucoup de routes pour se rendre à leur discipline ou c'est quand même bien organisé de ce côté-là? Ben, faut comprendre là, qu'il y a plusieurs pôles de compétition sportifs. Là. Il y a dans le Ouais. coin du Stade olympique, il y a Claude Robillard, puis il y a également sur le parc Jean-Drapeau. C'est sûr que les athlètes, oui, des fois, ont à participer, à parcourir une certaine distance, mais lorsqu'ils sont sur le site, il y a plusieurs compétitions de disponibles dans plusieurs disciplines. Donc, les athlètes peuvent aller voir là, plusieurs choses. Nos athlètes, vraiment, comme vous l'avez dit, on a vraiment ouvert la balle en plusieurs disciplines sportives. Il faut comprendre qu'il y a eu aussi du retard parce qu'on a eu une averse en après-midi. Ouais. Donc, il y a plusieurs disciplines qui ne sont pas terminées au moment où on se parle et qu'on attend toujours les résultats, mais on a déjà des résultats qu'on peut partager avec vous. Ouais, effectivement, est-ce que la région a eu sa première médaille? Pour l'instant, elle est non officielle, donc je peux pas en parler. Par contre, je peux vous dire qu'on a trois athlètes qui participent à une finale en soirée. OK. En paranatation, 50 mètres libre. Catherine Laberge, Léane Julien vont compétitionner tous les deux au niveau de la finale A en natation. Et Erika Bolduc, en 200 mètres brasse également, va faire partie de la finale. Donc, on a vraiment là, trois athlètes là, en fin de soirée en natation qui vont compétitionner là, pour des chances de médaille. OK, puis les chances sont relativement bonnes. Et on mettra pas la charrue OK. dans les bœufs, comme on dit, effectivement, mais nos athlètes ont la chance de faire la finale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elles ont mangé, ont réussi à se qualifier dans le groupe qu'on appelle le groupe A pour avoir une chance de médaille. OK. Donc, on va leur souhaiter la meilleure des chances là, pour la finale qui vont débuter là, à partir de 17h40 là, en soirée. OK. Est-ce qu'il y a d'autres athlètes aussi qui performent, qu'on a des chances de médailles qui vont être là, en action, ce soir? Ce soir, non, c'est vraiment en natation OK. où on complète. C'est sûr qu'aujourd'hui, là, on avait l'entrée en scène du vélo de route. Par contre, comme on vous dit, là, il y a eu du retard au niveau de la pluie. Et puis au niveau de la compilation, on n'a pas les résultats. Donc, on ne peut pas parler encore de résultats pour l'instant officiels. En tennis, là, on est entré en scène aussi où nos athlètes, Jérémy Gagnon, Elisabeth Houde, Xavier Maréchal et Xavier Courchesne, ce matin, ont remporté leur partie. Par contre, on va attendre la reste des compétitions. Ça a été moins fructueux en volleyball puisque notre équipe de volleyball féminin a perdu leurs deux matchs. Le premier match s'est perdu en prolongation. Et en soccer masculin, l'équipe a perdu contre la Mauricie au score de 3-0. Okay. Est-ce que au niveau soccer, ça va être bon pour la région? Il faut comprendre qu'en soccer, là, les programmes masculins et féminins jouent en division 2. OK. Il y a trois divisions au niveau des Jeux du Québec. Donc, de vraiment de compétir pour rester dans un groupe fort qui est la division 2, c'est pas une mince tâche, Mais les entraîneurs et les athlètes, on veut vraiment là, réussir cet objectif-là de clore les Jeux et d'avoir le privilège de rester en Division 2. Sinon, une mauvaise performance pourrait les reléguer en Division 3 pour l'événement 2018. Est-ce que c'est une équipe d'étoiles ou c'est une équipe de la région qui représente la région, en fait? Oui, tout à fait, là, vous l'avez dit, là, c'est vraiment des joueurs là, qui viennent des programmes là, qu'on a au niveau de la région. Donc, c'est vraiment une équipe qui est formée pour les Jeux, là, qui compétitionne, qui s'entraîne, qui font des matchs préparatoires également ensemble. Mais c'est vraiment une équipe qui est complétée d'ensemble d'athlètes de la région. Là. OK. Ben, Alexandre, on s'en reparle à même heure, même poste demain. Ça va me faire plaisir demain de faire un compte rendu et puis de vous donner aussi là, le total des médailles. Là, après le jour 1 et le jour 2 de compétition. Effectivement, on s'en parle demain. Donc voilà, c'était Alexandre Lallemand en direct des Jeux du Québec à Montréal.